Du jamais vu chez Delbeau Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbeau Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler des Aigles de Roberval avec notre ami Simon Gaudreau. Les Aigles, c'est les demi-finales un peu partout. On va parler avec Simon. Salut Simon! Salut Danny! Simon, si on parlait des Aigles de Roberval, c'est les demi-finales dans chaque division. Comment ça va? Ah, ça va bien. Écoute, on a réussi là, la semaine dernière à passer nos quarts de finale. Là. Notre Benjamin a vaincu le Séminaire Saint-François en 4 parties. C'était un 3-5. On a gagné vendredi là-bas. Le lendemain, là, c'était nos cadets là, qui recevaient l'équipe de Pointe-Lévis, qui était 3e au classement là, de la division. On a gagné là, le match 3-1. Ça nous a accédé là, une place en demi-finale. Les juvéniles ont gagné le match ultime, le 3e match là, à Québec la semaine dernière. Les 3 équipes sont en préparation présentement. Le Benjamin a débuté sa demi-finale hier, eux, contre Cardinal-Roy, a subi un revers de 4-0. Un but dans un filet désert. Un très bon match, mais un petit peu d'indiscipline. Puis, on a quand même beaucoup de hockey de jouer dans les dernières semaines. Fait que beaucoup de voyageurs quand même à Québec, mais honnêtement, on a très bien joué, on a bien figuré, mais c'est le premier match de la série. Okay. Pour ce qui est de nos cadets, eux, ça débute demain contre l'équipe Samuel de Champlain, qui est première de la division, qui n'a aucune défaite dans l'année. Ouais, ce sera pas facile, ça. Ce sera pas facile, c'est sûr et certain. Et puis notre juvénile, eux, affronte la polyvalente le bleu et or d'Arvida, qui eux aussi ont aucune défaite cette année. Donc, on a quand même des lourdes tâches là, dans nos 3 catégories. Là, les Benjamins à Cardinal-Roy ont seulement 3 défaites. Donc, on parle de 3 équipes là, de premier plan dans chacune de leurs catégories. Que ce soit pas facile. T'es-tu confiant quand même? Ben, je pense que ça joue sur la glace. Tu sais, quand on joue, si on affronte des équipes là, de haut classé comme ça, je pense que les formules 2-3 peuvent nous aider un petit peu. Hein, tu sais, les battre 4 fois, c'est peut-être plus dur, mais les battre 2 fois, c'est peut-être un petit peu plus accessible. Puis c'est là-dessus qu'on travaille là, avec nos gars, d'y croire puis de travailler excessivement fort de ce côté-là. OK. Donc, Simon, aussi, vous avez été. Il y a eu une nouvelle qui a sorti récemment. Vous avez été refusé finalement concernant l'équipe cadet Division 1. Oui, on a été refusé. C'est un long processus. Là. C'est important de bien comprendre qu'on avait fait une demande, on avait été refusé, on est allé en appel parce que c'était important pour nous, pour les gens de notre programme, pour la commission scolaire du pays des Bleuets d'aller en appel dans cette décision-là. Parce que un peu ce qui nous est reproché, c'est au niveau de la fiche de nos équipes et puis la démographie, le bassin de nos jeunes. Il faut le vivre un petit peu au jour le ben, au quotidien. On sait, nous, en étant en région, dans notre région, Lac-Saint-Jean-Ouest, Lac-Saint-Jean-Nord, qu'on a une très belle qualité de joueurs de hockey. Mais c'est sûr que quand les décisions sont prises à l'extérieur de la région, là, ils connaissent pas nécessairement notre réalité. Donc, c'était ça qu'il fallait faire valoir. Et puis, il y avait un petit peu de misère à croire en notre bassin et en notre qualité de joueurs. Étant donné la fiche de nos équipes, étant donné qu'on avait tellement reçu nos équipes tard l'an dernier qu'il y a certains joueurs qui ne se sont pas présentés ou quoi que ce soit, c'était méconnu le réseau du sport étudiant, l'enquête scolaire provinciale ici chez nous. Donc ils nous ont demandé, eux, de leur côté, de consolider notre programme. Ce que j'entends par consolider notre programme, c'est d'offrir on est en notre première année là, du programme. Les RSEQ sont contents de nous. On travaille excessivement fort. On trouve qu'on a des très bons résultats à notre première année. Mais ils n'ont pas octroyé d'équipe en cadet division 1, je crois, à personne au niveau du Québec. Ils ont fait une demande. Seulement une équipe est acceptée à Jacques Lebert à Montréal, dans le secteur de Montréal. Donc, nous, de notre côté, on doit travailler à consolider notre programme, à avoir les meilleures équipes possibles dans nos divisions, de continuer ce qu'on fait comme travail, peut-être d'améliorer éventuellement la fiche de nos équipes, même si on croit qu'elle est quand même bonne. Quand on calcule nos tournois, là, on parle quand même d'une fiche de 19-12. C'est pas si pire. Je crois, là. Donc, c'est quand même une très bonne fiche. De ce côté-là, ça va bien. Et puis, on va continuer de travailler là-dessus. Puis, il n'y a rien qui dit qu'on ne fera pas une autre demande l'an prochain en cadet division 1. C'est nous, ce qu'on a essayé de débattre, c'était vraiment du côté du nombre de joueurs par rapport au bassin. C'est, exemple, pour le même nombre de joueurs, pour le même bassin de joueurs, de notre côté, Lac-Saint-Jean-Nord, Lac-Saint-Jean-Ouest, nous avons trois équipes du RCQ, hein, le Benjamin, le Cadet 2 et le Juvénil D2. Et puis, un autre exemple, Lac-Saint-Jean-S, eux, qui ont le même nombre de joueurs que nous, eux, ont quatre équipes, un Benjamin D1, un Cadet D2, un Cadet D1 et un Juvénil D1. Donc là, pourquoi, pour le même nombre de bassins, eux ont quatre équipes et nous, on a trois équipes. Donc ça, c'est un peu notre cheval de bataille. Et puis, c'est également pour garder nos jeunes dans le programme. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ce que le RSEQ a dit. On va consolider notre programme. On va améliorer possiblement nos fiches de nos équipes. Et puis, on va retourner faire une demande de ce côté-là. Et puis, on va travailler pour que notre commission scolaire continue de rayonner de ce côté-là. Mais c'est moins choquant de voir que vous avez pas été accepté. Il n'y a aucune équipe qui a été acceptée. C'est moins pire un peu, je pense. Oui, c'est sûr et certain. Mais en même temps, on a mis quand même beaucoup de travail, beaucoup de temps, puis les jeunes, je sais que les jeunes de notre programme, puis d'autres aussi de l'extérieur, on a fait des approches avec d'autres personnes, c'est se croiser les doigts pour qu'on l'aille quand même. C'est toutes ces choses-là. Oui, c'est sûr qu'on est sur un refus, on est déçu, mais tu sais, en même temps, on doit travailler avec nos jeunes, travailler fort, puis tu sais, pour ça, on a besoin aussi de la population de ce côté-là pour conseiller notre programme. Les jeunes doivent croire en notre programme, venir chez nous. Là, on va prouver de ce côté-là qu'on a une belle qualité de joueurs parce que c'est ça qui ont un petit peu de difficulté à croire. Ouais. Et puis, avec la qualité de joueurs qu'on a, ça va se répercuter sur nos fiches. Et puis, éventuellement, ben, en ayant tous les jeunes de notre commission scolaire payer des bleuets chez nous, ben, l'avenir va être rose et puis on va pouvoir accueillir une quatrième, peut-être une cinquième équipe dans le futur. Ben, bravo. Ben, Simon Gaudreau, on s'en reparle la semaine prochaine. Un gros merci, Daniel. Voilà, Simon Gaudreau des Aigles.